Nous allons aussi nous entretenir tout d'abord avec Maude Prudhomme, qui est présidente du conseil d'administration du réseau des groupes écologistes, du réseau québécois des groupes écologistes, ainsi que Ashley Villot, qui est aussi membre du conseil d'administration du réseau québécois des groupes écologistes, mais militants et militantes tous les deux dans beaucoup d'autres organisations. Maude Prudhomme est aussi porte-parole de Tache d'huile. Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Alors, on est là aujourd'hui pour parler du projet de loi 106 qui a été passé sous bâillon il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet de loi 106, tout d'abord? Je peux me lancer, on pourra compléter au besoin? Oui, allez-y. Alors, le projet de loi 106, c'est la loi sur la transition énergétique. On en parle beaucoup comme la loi sur les hydrocarbures, mais pour donner un contexte plus général, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a eu un processus qu'on a qualifié de bidon là, tout au long de son processus, mais de consultation en vue d'une nouvelle politique énergétique. Le gouvernement a déposé la politique énergétique 2016-2030, je pense juste avant Noël l'année passée. Chose du genre. Il y a toujours eu une thématique aussi d'être juste avant les congés ou juste avant Noël. Et la loi 106, dans le fond, c'est la mise en œuvre de cette politique énergétique-là. À force d'entendre peut-être les mouvements citoyens, les mouvements municipaux, les mouvements écologistes réclamer une loi plutôt sur la transition énergétique, c'est ce que le gouvernement a déposé au niveau du titre du document. Par contre, à l'intérieur de la loi 106, on l'a vite remarqué, il y a une grosse partie, un chapitre avec des centaines d'articles qui est plutôt une loi sur les hydrocarbures qui vient encadrer, entre guillemets, l'exploitation d'hydrocarbures au Québec. Ça rend, entre autres, le fait d'évincer les gens de chez eux possible. Ben, en toute franchise, ça l'était déjà. C'est quoi ce qui est peut-être ignoré? Mais c'est déjà possible sous la loi sur les mines. Par contre, ça vient d'encadrer de façon particulière, effectivement, dans la loi 106, ou dans des cas d'utilité publique, c'est le gouvernement qui peut passer à l'expropriation. Le gouvernement précise et défend que c'est en phase d'exploitation et non en phase d'exploration, que c'est possible, là, là, là. Mais il demeure, effectivement, qu'il y a le droit d'expropriation et... Les présents existent à travers la loi 106. Oui, parce que, en fait, ça existait pour les mines, comme tu dis, mais ça n'existait pas nécessairement pour les hydrocarbures. Non, puis c'est là la défense du gouvernement qui dit que là, c'était le genre de Far West, free for all sur les hydrocarbures. C'est ça qu'il y a une urgence d'adopter une loi sur les hydrocarbures, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de règles, puis là, là, là. Ce qu'il faut dire, c'est que cette espèce de bordel-là est arrivé parce que un gouvernement libéral, en 2007, a vendu, a bradé un paquet d'exploration d'hydrocarbures. Avant ça, ça s'appelait la SOCWIP, c'était du domaine public et tactique. Bon, après, on pourrait critiquer tout un paquet d'affaires, mais c'est un contexte non réglementaire ou non réglementaire qui a été généré par le gouvernement qui a vendu les permis d'exploration à du Sénéctar. Les compagnies sont mises à avoir des activités suite au fait d'avoir leur permis. Puis là, le gouvernement et les compagnies, surtout, se plaignent de ne pas avoir d'encadrement réglementaire. Donc, il faut faire vite, vite, vite et en adopter un. Est-ce que, Ashley, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Allô, Ashley? Oui, mais c'est tout simplement dire que c'est un projet de loi qui est inacceptable. Puis le fait que ça passe sous le bâillon, c'est non démocratique et ça doit être fortement dénoncé. Tu es aussi un militant du colonial. J'aimerais ça savoir en quoi ça continue le pillage colonial qui existe ici depuis 500 ans. Ben, en tout point, en fait, ça le. On pourrait dire que ça le modernise, mais même pas tant que ça. Là, c'est vraiment la vieille, le vieux même truc. Le processus de consultation qui a mené à la politique énergétique, puis qui a mené ensuite au projet de loi, le projet de loi 106 qui a été déposé là, de façon grossière juste au début des vacances d'été, qui a eu des semi-consultations sur invitation cet été, il n'y a pas eu de d'invitations spécifiques aux Premières Nations. Peut-être que finalement, ils ont reçu quelques groupes, mais les Mi'kmaq, par exemple, dont le territoire est actuellement le plus affecté par l'exploration d'hydrocarbures, n'ont pas été invités aux consultations. C'est sûr que le fait de consulter ne changerait pas profondément le fait, mais il n'y a même pas ça. C'est aussi une possibilité de faire des dommages sur les territoires qui vont définitivement vers cette génération et au-delà. C'est des risques qui peuvent affecter l'eau, qui peuvent affecter l'air, qui affectent définitivement le climat. Fait que c'est des façons d'affecter la vie des peuples des Premières Nations de façon là, durable. Oui, d'ailleurs, tu t'es fait un malin plaisir de rappeler que c'est des choses importantes, l'eau et l'air, au Parlement? Oui, ben à chaque fois que je vais au Parlement, je tiens à le rappeler parce que le gouvernement actuel a fait campagne sur la notion des vraies affaires. C'est une chose assez visiblement en tout cas relative, les vraies affaires, mais il y a quand même une notion générale, puis somme toute factuelle, que notre corps est fait en grande partie d'eau et que nous respirons à toutes les quelques secondes et que ces deux éléments-là constituent notre vie en grande partie. Et que si on ne fait pas attention à ce qui rend ça possible, ça va être plate la vie. Puis c'est parfois vu comme une espèce d'argumentaire, comme ésotérique ou symbolique, mais je pense que la force avec laquelle les mouvements défendent de plus en plus ces éléments simples-là de par le monde, on arrive à réhabiliter là, l'importance de ces éléments-là comme des vraies affaires. Là, il y a beaucoup de mouvements, puis la population est assez réceptive aussi à toutes les luttes contre les hydrocarbures. Mais là, le gouvernement n'entend rien comme d'habitude, et puis il force ce projet de loi dans la gueule des gens. Alors, qu'est-ce que font les gens à ce moment-là? Ben, il y a différents mouvements un peu partout au Québec, là, vous compléterez si j'en oublie. Mais c'est ça, il y a toute une panoplie de mouvements, c'est sûr, dont le principal sur la loi 106 au niveau citoyen et le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Ceci dit, il y a toute une diversité de secteurs qui sont mobilisés sur la loi 106. C'est très surprenant comme les notaires qui sont mobilisés. Beaucoup de municipalités, de conseils municipaux, des maires, des mairesses qui prennent des positions très fortes pour dire justement qu'ils vont soutenir les citoyennes et les citoyennes qui annoncent déjà le RVHQ, l'a annoncé en conférence de presse dans son communiqué, qu'ils vont bloquer les forums, qu'ils vont cesser ces activités d'exploration, que ça ne se rendra pas à l'exploitation, que le fait d'adopter une loi légalise ces situations, mais ne les rend pas légitimes aux yeux des gens qui ne se laisseront pas faire sur des choses aussi importantes. Fait qu'il y a ça qui se trame de créer une force qui soit en mesure d'effectivement bloquer les activités des compagnies. C'est sûr qu'on va continuer aussi à mettre de l'avant des campagnes d'information pour mieux comprendre les enjeux, qu'une quantité plus grande de gens comprennent les enjeux. Ce sera de voir aussi du côté des Premières Nations, mobilisation ou quelles seront prises. Je pense que c'est ce qui occurre là, à l'heure actuelle. Mais je tiens aussi à rappeler que, certes, le gouvernement a passé la loi sous le bâillon. Il ne faut pas oublier que le gouvernement, outre son rôle de législateur en matière, a aussi un rôle d'actionnaire. Le gouvernement est l'acteur principal de compagnies comme Junex ou comme Petrolia. Ils ont investi l'argent public dans ces projets-là et ça fait une espèce de juge et partie dans le processus là, législatif. Oserais-tu dire que le gouvernement est en conflit d'intérêts? Je trouve qu'il y a des apparences de... Bon, poser la question, c'est y répondre. Mais qu'est-ce que ça va changer, justement, au niveau de la lutte que ce bâillon, puis surtout le projet de loi, en fait? Bien, je pense que le bâillon a quelque chose. Il y a quelque chose d'honnête. Il s'en fout. S'il s'était soucié de l'avis des autres dans son processus de mise en place de transition énergétique, le processus aurait été différent, et ça depuis des années. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de cohérent, en fait, que ça se termine par un bâillon, aussi scandaleux que ce soit, le gouvernement est cohérent avec lui-même. Fait que ce que ça change au niveau de la lutte, j'espère que ça va nourrir une forme de clarté de l'analyse, de savoir qui sont les acteurs, quels sont les intérêts. Et c'est sûr qu'on aimerait mieux prévenir les forages, mais il faut prévenir, ben, probablement qu'il faudra se rencontrer sur le terrain. Ça va changer les tactiques, probablement. Ça va amener une exploration de différentes façons de faire, peut-être des curiosités envers d'autres mouvements qui ont déjà mis de l'avant une diversité tactique. Je pense que ça va nourrir les débats sur les façons de faire, en tout cas. Puis, quelles sont les prochaines étapes? Au niveau de la loi 106, comme ça? Mais la loi 106 ou la lutte contre les hydrocarbures en général? La loi 106 comme telle, là, elle est adoptée. Elle n'est pas encore entrée en vigueur. Il y a une autre étape administrative, légale, dont je ne me souviens pas exactement de l'appellation, mais il y a une autre étape. Donc, au niveau des processus législatifs, il pourrait y avoir une autre prise que les gens pourraient avoir envie de saisir dans le processus. Ceci dit, sur le terrain comme tel, c'est de voir où vont se diriger les compagnies, de voir les réactions sur les marchés aussi. On a vu l'action du Junex, puis j'ai beaucoup récemment, de voir les activités de pétrolier, entre autres, dans le coin de Gaspé-Murdochville. Junex passait en phase d'exploitation, donc voulait augmenter son volume. Est-ce que ça pourra aller de l'avant sans encombre? Je pense que c'est une vigilance sur les activités terrain. Puis aussi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches à faire. Je pense qu'on va se rendre compte à travers les prochaines étapes que le gouvernement a quand même bien préparé son coup. On parle ici de la loi 106, mais il y a eu une réforme de la loi 102 sur la qualité de l'environnement qui rend l'accès à l'eau plus difficile. Donc, c'est plus difficile de savoir ce qui a lieu sur le terrain, voir ce qu'on peut y faire. C'est quoi au niveau des prochaines étapes? Parce qu'on va se buter à d'autres tours de passe-passe auxquels le gouvernement a bien joué son coup. Et il faudra jouer fort dans les coins. Tu disais qu'il y avait une autre étape, mais est-ce que les gens peuvent faire de quoi pendant cette étape-là? Une autre étape avant l'adoption en tant que telle du projet de loi? Ben, il y a un rapport de force au niveau de la société en général qui est quand même impressionnant en termes de légitimité, parce qu'il y a, les écologistes sont un peu les usual suspects, les militants habituels, ceux qu'on est habitués de voir. Par contre, quand les maires, les mairesses, les notaires se mobilisent, ça, en termes de légitimité pour le gouvernement, ça a quand même un impact, je crois. Peut-être qu'il y aura une mobilisation syndicale, peut-être qu'il y aura une mobilisation des milieux de la santé. Je pense que tant que la loi n'est pas mise en œuvre, il y a peut-être une fenêtre pour attaquer la légitimité du gouvernement de façon si forte sur ce sujet-là, mais d'autres sujets aussi, on pourrait le faire, pour changer la donne politique avant que cette loi-là rentre en vigueur. Ça pourrait être une autre étape. Non, le gouvernement n'est pas tenu de consulter qui que ce soit, mais il y a peut-être une fenêtre un peu plus vulnérable avant que ce soit tout à fait consulté. On va s'en terminer ici. Est-ce que, Ashley, tu voudrais dire quelque chose avant qu'on se laisse? Bref, continuer à s'informer, s'organiser et être prêt à se mobiliser, à escalader nos luttes. Et parlant de s'informer, comment on peut s'informer? Le site de Tache d'huile n'est pas très à jour en ce moment, mais si vous êtes sur Facebook, on est assez dynamique à cet égard-là et on va travailler sur notre site web dans les prochains temps. Ceci dit, le site du regroupement de vigilance hydrocarbures, rvhq.qc.ca, est assez au fait dans ce dossier. Celui du Front commun pour une transition énergétique, pour la transition, quelque chose comme ça aussi, est dynamique, ou en tout cas va mettre de l'avant les perspectives de transition pour une transition juste. Et du côté du RQGE, www.rqge.qc.ca, ben, au niveau de l'organisation, il y a une boîte à outils qui a été récemment rendue publique, au grand public, à tous et à toutes, et à partager pour augmenter notre force dans les luttes. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis ben, la lutte continue.